J'ai vu Marie hier, et elle m'a dit qu'elle t'avait vu. Tu as bu verre sur verre, puis as vomi dans la rue. Tu lui as dit où tu habitais, alors je le sais aussi. Il faut croire que je m'ennuyais. Alors voilà, je t'écris pour te donner un truc à lire, juste comme ça pour t'occuper. Même si j'ai vraiment rien à te dire, ça me fait gratter du papier. Si ça pouvait te faire plaisir, ce serait ça de gagner. Des cheveux gris poussent sur ma tête et sont devenus si nombreux qu'ils vont lancer leur conquête contre mes noirs cheveux. Ma chevelure est bien fournie, mais ça me tracasse un peu. Un jour viendra la calvitie qui me dira: toi, t'as l'air vieux, mais mes problèmes capillaires ne t'intéressent sûrement pas. Toi, tu avais toujours cet air qui n'appartient qu'à toi. Des cheveux entourant de mystère, naguère ton si charmant minois. Et puis, plus rien ne m'intéresse, comme c'était hier le cas pour toi. J'aimerais connaître l'ivresse, mais certes moins mon estomac. Te prendre pour modèle serait une mauvaise idée. Peut-être que sous ta tutelle, je pourrais réaliser que j'aimerais t'en devenir nihiliste comme toi. Nous pourrions nous asseoir ensemble et comprendre que rien, c'est tout pour faire un monde, le mien comme le tien. J'aimerais t'en devenir nihiliste comme toi. Nous pourrions nous asseoir ensemble et comprendre que rien, c'est tout pour faire un monde, le mien comme le tien.